Le chat botté d'André Gilles, enregistré pour LibriVox.org. Matou charmant des contes bleus, chat, l'unique trésor des gueux, chat qu'on adore en son enfance et que, très vieux, pour son langage merveilleux, on aime encore, chat qui vaut 100 fois le cheval d'Alexandre, chat sans rival en cabriole, angora plus fort qu'un lion, dont chaque poil comme un rayon chauffe et console, chat invisible et toujours là, qui se rit de la prison la plus cellulaire, et dont chaque homme, sous son toit, possède, si pauvre qu'il soit, un exemplaire. Ah, qu'il était mon chat beauté, luisant d'amour et de gaieté, quand, chat d'audace, avec des airs exorbitants, il précédait mes beaux 20 ans en criant « Place ! Place au marquis de Carabas ! Ohé, vous tous, là-haut, là-bas, place à mon maître ! Admirez, peuples étonnés, l'homme depuis le bout du nez jusqu'à la guêtre. Avouez qu'il réussira, qu'en force, en grâce, etc., il outrepasse le droit qu'on a sous le soleil d'être un chef-d'œuvre sans pareil, et faites place. Et d'abord proclamez, manant, que les eaux, les bois et les champs, les fleurs nouvelles, le ciel à dater d'aujourd'hui, sont à lui, les lauriers à lui les belles. Si vous en doutiez par malheur, vous seriez, j'en essuie un pleur lorsque j'y rêve, ma parole de chat beauté, haché comme chair à pâté, haché sans trêve. » Ainsi parlait dans ce temps-là mon chat en habit de gala, mettant flamberge à tous les vents, frappant d'estoc le verbe haut, le poil en croc, la queue en cierge. Au temps où ses bottes de cuir neuf lui donnaient sur l'avenir et sur l'espace un crédit presque illimité, ainsi parlait mon chat beauté. Hélas, tout passe. Le feu des yeux, l'émail des dents, les nerfs, le poil au fil des ans, tout passe et casse. Et nues pattes, navrées, perclus, mon ancien bout en train n'a plus que la carcasse. Adieu jeunesse, jeux et ris, l'amour, la guerre, adieu souris, adieu minette. Horizon rose, vert sentier, châteaux en Espagne, paniers, vendanges et fêtes. Or le héros du conte bleu garde à présent le coin du feu, morne, asthmatique, transi, flétri, fini, moisi, débotté pour toujours, quasi paralytique. Et j'ai grand peur à tout moment de voir mourir d'épuisement l'ami d'enfance que, pour moins de solennité, j'appelle ici le chat beauté, mais qu'on nomme aussi l'espérance. Fin du poème, enregistré par Ezoie en Belgique en mars 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public.